Le chat et les deux moineaux à Monseigneur le duc de Bourgogne. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le chat et les deux moineaux. Un chat, contemporain d'un fort jeune moineau, fut logé près de lui dès l'âge du berceau. La cage et le panier avaient même pénate. Le chat était souvent gassé par l'oiseau. L'un s'escrimait du bec, l'autre jouait des pattes. Ce dernier toutefois épargnait son ami, ne le corrigeant qu'à demi. Il se fut fait un grand scrupule d'armer de pointe sa férule. Le passereau, moins circonspect, lui donnait force coup de bec. En sage et discrète personne, maître chat excusait ses jeux. Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne aux traits d'un courroux sérieux. Comme ils se connaissaient tous deux, dès leur bas âge, une longue habitude en paix les maintenait. Jamais, en vrai combat, le jeu ne se tournait. Quand un moineau du voisinage s'en vint les visiter et se fit compagnon du pétulant Pierrot et du sage Raton, entre les deux oiseaux, il arriva querelle, et Raton de prendre parti. Cet inconnu, dit-il, nous l'avions donné belle d'insulter ainsi notre ami. Le moineau du voisin viendra manger le nôtre? Non, de par tous les chats. Entrant alors au combat, il croque l'étranger. Vraiment, dit maître chat, les moineaux ont un goût exquis et délicat. Cette réflexion fit aussi croquer l'autre. Quelle morale puis-je inférer de ce fait? Sans cela, toute fable est une œuvre imparfaite. J'en crois voir quelques traits, mais leur ombre m'abuse. Prince, vous les aurez incontinent trouvés. Ce sont des jeux pour vous, et non point pour ma muse. Elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez. Fin de Le chat et les deux moineaux. Fable 2 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.